C'était la nuit où tous les chats font la fiesta. Vic que la souris était sur un coup ce soir-là. Et départ son frère Albert et Jack, un vieux pote. Ils allaient cambrioler chez le roi des chats. Vic, Jack, Albert, on y va. Arrivé devant le palace, Albert fit son fier. Décolla toutes les alarmes et ouvrit les portes. Ils entrèrent dans le couloir où il faisait noir. L'Albert, le maladroit, fit tomber du verre. Putain, tu peux pas faire gaffe. Bon, on continue. Ils arrivèrent dans la pièce où se cachait le coffre. Jack le mec, agile et sûr, fit rouler ses mains. Dans le sac qu'il déposait, les barres de gruyère. Et tout d'un coup, et d'un coup fort, la porte claqua. C'était Roscoe, le roi des chats. Il a regardé en souriant en coin. Pas de veine ce soir-là. Bref, que faire? S'éclipser est vite fait. Se termina au fond d'une gouttière. Le trio pour s'en tirer du lâche magot. Le roi des chats, quant à lui, les laissa partir. Pour sourire, il n'avait plus qu'un sac à ouvrir. Avec des barres de porc, salut. Vic avait tout prévu en cas d'imprévu. Le roi des chats s'était fait berner et emboîter. Ce soir-là, on m'avait mis sur une enquête de femme fatale à l'autre bout de la ville. Le lendemain, quand j'ai pris le dossier en main, j'ai aussitôt commencé mes recherches. Rien, niet. Disparu. Il y a deux jours de ça, j'ai reçu un appel. Comme quoi on aurait remarqué un certain Vic Vorning dans une pompe à essence à deux bornes d'ici. J'ai raccroché, réfléchi, allumé une Peter's to Hazen et me suis dit. Non, ils l'ont bien mérité. Pour avoir osé rouler le roi de la PEC de Metro Cat City. Ah. Now.